Conchita, Conchita, depuis que je vous ai entendu chanter, je vous aime plus que jamais, je vous adore. Eh bien, prenez mon carnet des balles. Merci. Écrivez Ciboulette. Ciboulette. Yenne vous aime plus. Écrivez, écrivez. Mais non, je ne peux pas faire ça. Oh, enfin. Ciboulette, c'est vous. Mais oui, imbécile. Les deux n'en font qu'une. Mais oui, tout était faux. L'accent, le nom, la mère. Il n'y a que mes diamants qui soient vrais. Vos diamants? Mais alors? Alors vous êtes devenu ce que j'avais dit? Vous êtes devenue une cocotte? Mais animal, c'est pour elle que je te tapais. Ces bijoux, c'est toi qui les lui as donnés. Oh, Ciboulette, pardon. Voulez-vous être ma femme? Refuse! Refuse-le! La troisième condition n'est pas remplie. Mademoiselle, voici une lettre qu'on vient d'apporter pour vous. Oh mon Dieu! La lettre où je vous annonçais ma mort. Une lettre de faire part dans un tambour de basque. Oh, bah, ma petite, tu peux y aller. La troisième condition est remplie. Ma femme! Mon mari! Oh, c'est tout ce qu'il trouve à se dire. Ah, l'amour! Ciboulette. Antonin. Voilà le vrai miracle, c'est l'amour. Et moi, j'ai plus qu'à vendre ma boule de cristal. J'en ai plus besoin. V'là le final.